Mosaïque. Bienvenue, auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro. Vous êtes nombreux à se demander le sujet qui sera débattu dans votre émission, notre émission Mosaïque d'aujourd'hui. Notre sujet porte sur la gestion des produits pharmaceutiques. Vous l'avez sans doute suivi, la police a découvert dans la zone Kinama de la mairie de Bujumbura, il y a 2 semaines, un stock de différents médicaments dans un ménage, des comprimés comme des injections périmées auxquelles on change de l'emballage afin de les réintroduire sur le marché. À cet effet, plusieurs questions méritent d'être posées. Quel est l'état des lieux de la gestion des produits pharmaceutiques au Burundi? Y a-t-il un système de traçabilité des médicaments une fois dans des stocks de différentes pharmacies? Que fait le ministère de la Santé? Comment est-ce que ces produits arrivent-ils dans les mains des trafiquants? Quelle est la destination de ces produits issus de la contrefaçon? Comment les malades peuvent s'assurer que les produits achetés dans différentes pharmacies sont des produits fiables? Le cas si évoqué est-il un cas isolé? Sinon, la prolifération des pharmacies et des centres de santé privés dans différents contrées du pays a-t-il un rôle à jouer dans le trafic des produits pharmaceutiques? Si oui, lequel? Comment y remédier? Ce sont là, chères auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, les quelques-unes des questions sur lesquelles nos invités vont apporter leur contribution dans l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes avec 3 invités, à savoir M. Emmanuel Bamenye-Kanye, directeur du département de la pharmacie des médicaments et de laboratoire de PML au ministère de la Santé publique. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, merci pour l'invitation. Nous sommes également avec M. Serge Haridogo, pharmacien en même temps membre de l'Ordre national des pharmaciens. Bonjour M. Serge et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et je vous remercie. Nous sommes également avec M. Sylvain Habanabakidze. Vous êtes le président du cadre d'expression des malades du Burundi, Semabou. Et bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, mais j'aimerais d'abord rectifier un peu. Je ne suis pas le président du Semabou, je suis le représentant légal du cadre d'expression des malades au Burundi. On l'a compris, M. Sylvain Habanabakidze n'est pas président du cadre d'expression des malades du Burundi, mais il est le représentant légal. François Kimana a assuré la mise en onde de cette émission. Alida Ndaikeza est à la réalisation de cette émission. Charles Makote, je suis à la présentation. Bienvenue. Mosaïque. À commencer par le ministère de la Santé. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux de la gestion des produits pharmaceutiques? Monsieur Emmanuel. Merci bien pour la question. L'état des lieux de la gestion des produits pharmaceutiques, c'est vraiment très complexe. Et j'aurais très difficile de pouvoir le résumer en 2 minutes. Mais tout ce que je peux dire dans les grandes lignes, c'est que les établissements qui sont autorisés par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida introduit une demande d'importation de médicaments dans notre département et nous vérifions si les médicaments commandés correspondent aux pathologies couramment soignées au Burundi. Et quand nous nous rendons compte que ces médicaments sont utilisés au Burundi, nous les accordons une autorisation d'importation. Et quand ces médicaments arrivent au Burundi, nous dépêchons notre équipe au niveau du port, de l'aéroport ou à toutes les frontières pour vérifier si les médicaments qui arrivent correspondent exactement à l'autorisation que nous avons signée dès le départ pour éviter que des médicaments qui n'ont pas d'utilisation particulière puissent entrer au Burundi. Donc c'est ça normalement le circuit et cela est valable pour les importateurs privés que pour les partenaires ainsi que la centrale d'achat des médicaments du Burundi qui importe les médicaments pour les structures publiques. Voilà en gros comment les médicaments arrivent au Burundi. Et une fois arrivé au Burundi, comment est-ce que les différentes structures pharmaceutiques s'approvisionnent? Normalement, quand ça arrive au Burundi, donc ça c'est, je venais de détailler pour les importateurs. Donc les importateurs les distribuent au niveau des pharmacies de détail, qui elles aussi sont des établissements qui ont été autorisés par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, après avoir vérifié s'ils remplissent les conditions techniques, financière et en ressources humaines pour gérer les médicaments. normalement, ce sont des gens qui ont une certaine formation et qui ont une certaine éthique, qui doivent disposer du stock des médicaments pour pouvoir les délivrer avec les conseils voulus et attendus par la population. Est-ce que nous pouvons dire donc que tous les produits pharmaceutiques qui entrent au pays sont connus et peuvent être tracés? Normalement, ils sont connus et doivent être tracés. Et il y a même une instruction ministérielle qui oblige les pharmacies de détenir des registres, de tracer les médicaments pour qu'on puisse savoir d'où ils ont été approvisionnés et à qui ils doivent être délivrés. Parce que à part ce qui est connu du grand public, il y a aussi d'autres activités connexes à la l'utilisation des médicaments, ce que nous appelons la pharmacovigilance, c'est-à-dire le suivi des effets indésirables induits par les médicaments. C'est toute une science que nous devons suivre, parce que tous les médicaments qui sont sur le marché, normalement, on n'a pas toujours répertorié tous les effets indésirables qui peuvent être induits par les médicaments. Donc, pour pouvoir les tracer, nous devons savoir qui a pris quoi et à partir de qui. Donc, il y a une instruction ministérielle qui n'est pas encore mise sur mise en œuvre, parce que ça demande aussi un personnel suffisant au niveau du ministère, mais nous continuons à travailler sur les textes d'application. Monsieur Serge, vous avez compris, les médicaments qui entrent au pays sont tous connus par le ministère. Vous qui êtes dans l'Ordre national des pharmaciens, quel est le constat au quotidien par rapport à ces médicaments qui entrent au pays? Merci de me poser la question. En général, le schéma est celui-là, du moins officiellement. Mais il peut arriver que des médicaments arrivent par d'autres voies non encore connues. Ça, c'est la contrebande. Ça concerne pas seulement les médicaments, ça concerne aussi beaucoup d'autres produits. Là où ça fait mal, c'est que pour les médicaments, ça devient dangereux, puisque ça concerne la santé publique. En plus, si on prend le cas des médicaments qui viennent d'être saisis par la police, supposons que ces médicaments avaient été importés légalement. Ils sont périmés et on les retrouve en train de changer la date d'opération. Même si on avait importé, même si on pouvait tracer où vont ces médicaments, on se rend compte que finalement, il y a des médicaments qui ne sont pas vendus et que la gestion devient compliquée. Donc pour vous, il y a des médicaments qui entrent au pays mais qui ne sont pas connus au niveau du ministère? Je dirais que c'est une petite quantité. De toute façon, ce qui passe en dehors des voies normales, ça ne peut pas être une grande partie. Mais la grande partie qui entre légalement, la gestion, c'est là où nous posons des questions. Par rapport à la gestion, donc. Par rapport à la gestion, par rapport à ces médicaments périmés. Où vont ces médicaments périmés? Quelle est la part du ministère de la Santé publique pour les gérer? Je me réjouis, hier, on a fait une réunion où on a parlé de ce problème. C'est très important, parce qu'avant, le ministère de la Santé publique semblait ne pas être concerné par la destruction de ces médicaments périmés. Mais exactement sur cette question, vous qui êtes pharmacien aujourd'hui, lorsque chez vous, dans votre pharmacie, il y a des médicaments qui sont périmés, qu'est-ce que vous faites de ces médicaments? La loi est claire. Nous, d'abord, nous mettons en quarantaine ces médicaments. Nous faisons la liste. Nous la transmettons au ministère de la Santé publique. Nous invitons les gens de l'OBR et de la police pour venir nous aider à détruire ces médicaments. Le problème est que, dis-moi dans le passé proche, il semblait que c'était le rôle de la pharmacie et non pas le rôle du ministère de la Santé. Justement, c'est cette question, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu des fois où vous avez eu des gens du ministère qui viennent vous demander, qui viennent inspecter les produits que vous avez dans vos stocks? Pas souvent, en tout cas. En ce qui me concerne, ils sont venus quand je les ai appelés. Donc, il n'y a pas eu d'initiative pour voir ce qui se passe dans votre pharmacie? Bon, peut-être qu'ils le font, mais personnellement, nous détruisons chaque année. Nous les invitons à venir constater les médicaments périmés. C'est dans leur domaine. Ça concerne la santé publique. Ils doivent nous aider Il n'est pas normal, par exemple, que ce soit la pharmacie qui invite le ministère, qui invite la police, qui invite les gens de l'OBR pour venir l'aider à détruire. Mm-hmm. Nous ne savons même pas où on n'a pas les moyens d'appeler la police, d'appeler les gens de l'OBR. Mm-hmm. C'est bien que hier, le ministère nous a promis que désormais, ils vont nous aider à approcher ces services pour que la destruction se fasse facilement. Et rapidement. J'aimerais revenir chez vous, monsieur Emmanuel. Comment se fait-il que ce soit les pharmaciens qui invitent le ministère à venir vers eux constater ce qu'ils ont à détruire? Sinon, quelles sont les initiatives du ministère par rapport à la gestion de ces produits qui sont périmés? Ça, c'est une bonne question. Je crois que pour moi, qui est facile à y répondre, normalement, les importateurs apportent des médicaments en fonction de leur propre quantification. Mmh. Ce sont eux qui savent les besoins et leur clientèle. Mmh. Donc nous, au niveau du ministère, on donne l'autorisation d'importer, mmh. mais nous ne savons pas si tout ce qu'ils ont importé a été liquidé ou n'a pas été liquidé. Donc, il est tout à fait normal que ce soit le pharmacien qui a importé qui vient nous dire qu'il y a des médicaments qui restent et qui doivent être démolis. Est-ce que ce n'est pas ce manque du ministère, ce manque de l'inspection du ministère qui laisse les gens mal intentionnés de jeter ces produits sur le marché? Non, non, non, non. Encore une fois, je rappelle que les gens qui ont l'autorisation d'importer, de stocker, de distribuer les médicaments sont des gens qui ont une certaine éthique, une certaine déontologie. Et ils doivent gérer en bon père, en homme responsable, en professionnel responsable, les médicaments dont ils disposent. Et l'instruction est claire là-dedans parce que normalement, ils sont invités à déclarer chaque fois que c'est nécessaire, qu'ils ont des produits périmés. Et ils ont une instruction qu'ils doivent déposer les médicaments périmés pour les pharmacies de détail et les pharmacies des services publics qui doivent les déposer au niveau des districts. Et ce sont les districts qui nous informent que la quantité est suffisamment grande pour des raisons de logistique, pour éviter qu'on aille tous les jours rechercher les produits périmés. Donc les districts qui nous informent qu'il est temps qu'on détruise les médicaments qui sont périmés. Donc si j'ai bien compris, vous croyez à la responsabilité, à l'éthique des pharmaciens et vous ne vous préoccupez pas qu'il peut y avoir des personnes mal intentionnées, des gens qui peuvent dévier par rapport à l'éthique, par rapport à la déontologie? Normalement, c'est comme ça. En fait, pourquoi ça, c'est très important? En fait, les importateurs n'ont rien à perdre à déclarer les périmés. Puisque justement, quand ils déclarent les périmés, on fait la valorisation de ces périmés. Et on le fait en présence de l'OBER, du ministère du Commerce et des Finances, ainsi que le ministère de la Santé, l'administration locale et la police. Et on leur donne un certificat qu'ils pourront présenter lors de leur déclaration qui n'ont pas obtenu le bénéfice attendu sur les médicaments qu'ils ont achetés. Donc pour les importateurs, ils ne perdent pas. Donc ils n'ont aucune raison de reverser les médicaments périmés dans le circuit de distribution. Ils ont tout intérêt justement pour garder, parce qu'il y a question d'honneur, encore une fois, qui est un leitmotiv de la profession pharmaceutique, c'est l'honneur, la probité dans l'exercice de leur métier. Donc ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas se permettre de reverser dans le circuit de distribution les médicaments périmés. Je dois être précisé, par rapport aux médicaments qui ont été saisis à Kinama dernièrement, en tout cas personnellement, ça fait 25 ans que je suis dans le service, j'étais loin de penser que des pratiques pareilles pouvaient exister au Burundi. Donc si c'est arrivé, ça doit être un phénomène tellement marginal et qu'on pourra décourager très facilement parce que je crois que le circuit des médicaments au Burundi, c'est un circuit, comme je vous ai dit, qui est... Nous sommes un petit pays avec des structures bien identifiées, identifiables, contrairement, par exemple, à ce qu'on trouve en Afrique occidentale, où on vend même des médicaments dans les marchés ambulants. Donc, je crois que c'est un phénomène qu'on pourra bien maîtriser ici au Burundi. Monsieur Serge Harindogo, Emmanuel parle d'un phénomène marginal qu'on ne peut pas s'alarmer et Monsieur Serge nous fait savoir qu'on croit à l'éthique et à la déontologie par rapport aux pharmaciens. Qu'en dites-vous? Je serais tout à fait d'accord avec lui en ce qui concerne l'éthique, la déontologie, l'honneur, la probité du pharmacien. Mmh. Mais ce que nous devons remarquer ici au Burundi, c'est qu'aujourd'hui, le médicament est en train d'être vendu presque comme les autres marchandises. Je suis très convaincu qu'un pharmacien qui a juré sur l'honneur ne peut pas donner les médicaments périmés pour qu'on change leur date. En tout cas, au niveau de l'ordre des pharmaciens, si on l'attrapait, il serait sanctionné parce que les sanctions sont prévues. Mais nous voyons, il parle des importateurs. Les importateurs, ce ne sont pas nécessairement les vendeurs de ces médicaments. Les vendeurs, ce sont d'autres qui n'ont rien à foutre de l'honneur, de la probité du pharmacien. Donc, le médicament aujourd'hui est entré dans le domaine presque du public. On voit des petites boutiques ouvrir à gauche, à droite, sans pharmacien, sans rien du tout. Alors, il y en a même qui le font sans mesurer réellement le danger, parce qu'ils n'ont pas appris le danger des médicaments périmés. La filière de pharmacie, Emmanuel ne pourra pas me contredire, c'est l'une des facultés les plus compliquées au monde pour étudier. Et, ou alors, ce n'est pas pour rien que cela est comme ça. Imaginez-vous alors celui qui pratique la pharmacie sans y avoir mis le pied. Ça devient plus facile pour lui de ne pas accepter de perdre de l'argent, de le donner à quelques malfaiteurs, quelques contrefacteurs pour qu'il change de date. Mais un pharmacien, je ne pense pas qu'il puisse faire un acte criminel comme celui-là. Donc, en résumé, je suis d'accord avec Emmanuel. Uniquement si le médicament était vendu, était dispensé. On ne parle même pas de vendre. Si le médicament était dispensé par un professionnel du médicament. Aujourd'hui, réellement, ce n'est pas le cas. Monsieur Sylvain Habanabakidze, vous qui êtes dans ce cadre d'expression de malade, quelle est l'appréciation que vous faites par rapport à la gestion des produits pharmaceutiques? Nous, dans le cadre d'expression des malades au Burundi, nous avons vu cette situation vraiment qui relève une angoisse. Mais après avoir entendu les interventions de M. Emmanuel et celles de M. Serge Ndok, moi, je vais souligner d'abord ce que M. Ndok vient de dire. Il vient de nous dire que les pharmacies sont devenues comme des boutiques. C'est-à-dire que dans la loi, il y a une distance qui sépare une pharmacie à une autre. Mais pour le moment, on voit une très grande prolifération des pharmacies. Quand il faut dire les pharmaciens, il faut d'abord distinguer les officines pharmaceutiques et les pharmaciens. C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans ces pharmacies sont déjà qui ont été formés. D'ailleurs, nous, dans le cadre d'expression des malades, nous avons même des doutes que ces gens n'ont pas de diplôme qui sanctionne leurs études. Nous voyons que c'est un problème très grave dans la mesure où les pharmacies sont devenues comme des boutiques. Même les gens qui travaillent dedans ne sont pas des gens qualifiés. Le CEMABU présente des doutes. C'est un autre facteur, à part ce que vient de relever M. Serge Ndok, qu'on peut ajouter sur ce. Les gens qui travaillent dans ces pharmacies n'ont pas une formation. Nous demanderons à M. Emmanuel de faire une équipe chargée d'inspecter même ces gens qui travaillent dans les pharmacies et surtout dans le secteur privé. Monsieur Emmanuel nous a dit qu'on fait confiance à ces gens qui vendent ces produits parce qu'ils doivent suivre une certaine éthique par rapport à ce que vous observez au quotidien. Qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? Comment est la situation par rapport aux gestionnaires quotidiens des pharmacies? Ce qui s'est passé à Kinama peut le faire un clé d'œil. C'est-à-dire que la confiance qu'il avait donnée aux pharmaciens n'est plus une réalité. Il faut qu'on mène vraiment une inspection très sévère pour décourager ce comportement. Par contre, nous, dans le cadre d'exposition des malades, nous demanderons au ministère de Tutelle de ne plus faire une confiance à ces pharmaciens, mais plutôt, il faut d'abord faire un suivi très régulier. Une petite question, monsieur Emmanuel. Comment est-ce que ces produits qui sont gérés par des hommes et des femmes responsables arrivent-ils dans les mains des différents trafiquants dans différents quartiers? Ça, c'est une question très difficile parce qu'en fait, on n'a pas encore pris le recul par rapport à ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours, mais on va continuer à travailler là-dessus. Mais comme je l'ai dit au départ, je continue à plaider que c'est un cas marginal. D'abord, les médicaments, on les a retrouvés pas dans une maison autorisée pour faire la distribution des médicaments. C'était dans une maison d'habitation. Donc, il peut s'être procuré ces médicaments de façon légale ou illégale. Donc, c'est ça. Les investigations doivent s'orienter dans ce sens-là. Je suis de l'avis où on dit qu'il y a beaucoup de pharmacies actuellement. Mm-hmm. Mais je vous dis qu'au niveau du ministère de la Santé publique, de la lutte contre le sida, nous sommes aussi en train de travailler là-dessus. Mm-hmm. Parce qu'il y a un manuel que nous sommes en train d'actualiser, un manuel d'accréditation mm-hmm. des établissements pharmaceutiques, des laboratoires, des centres de santé, des cliniques et des hôpitaux. Mm-hmm. Où effectivement la question du personnel revient à la surface. Et où on devra, et les descentes sont déjà en train d'être faites actuellement, mmh. et les pharmacies et les centres optiques sont en train d'être fermés mmh. à cause, entre autres, du manque du personnel qualifié. Mmh. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous avons pris à la légère. Nous sommes conscients que certaines pharmacies, en général les pharmacies rurales et les pharmacies qui sont à la périphérie, mmh. et peuvent utiliser du personnel non qualifié. Mmh. Donc nous sommes conscients de ça et nous sommes en train de travailler là-dessus. Mmh. Et des mesures exemplaires vont être prises. Et je crois qu'au niveau du ministère de la Santé publique, nous sommes conscients de ça. Mmh. Parlons toujours de la gestion de ces médicaments et des produits qui sont dans des pharmacies. Lorsque les pharmaciens se sont approvisionnés, quelle est la gestion? Quel est l'organe qui assure l'inspection par rapport à leur qualité, par rapport à leur fiabilité, par rapport au respect des normes nationale. Mais il y a, en fait, au niveau du ministère de la Santé publique, il y a plusieurs services qui sont concernés par le médicament. Mmh. Il y a évidemment, en première ligne, le département de la pharmacie, médicaments et laboratoires qui autorise les importations, mmh. qui définit les normes, qui écrit les textes réglementaires mmh. en rapport avec les médicaments. Mmh. Mais il y a aussi le service d'inspection. Il y a un service énorme au niveau de l'inspection générale de la santé publique, de la lutte contre le sida. Il y a l'inspection de la pharmacie, médicaments et laboratoires. Nous avons d'un autre côté, nous travaillons en collaboration avec le laboratoire national de référence qui est à l'Institut national de santé publique, l'INSP. Mmh. Mais nous avons aussi d'autres collaborations avec les partenaires pour nous aider à suivre la qualité du médicament. Mmh. Donc, c'est aussi quelque chose qui tient le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida à cœur. Mais évidemment, bon, nous travaillons aussi avec les moyens dont nous disposons dans un contexte aussi légal qui n'est pas très au top. Mais je crois qu'on peut rassurer que de façon globale, la situation elle est bonne. Mais nous devons rester vigilants. Parce que, en fait, le trafic, ça aussi, c'est la contrefaçon, le trafic des médicaments, c'est aussi un phénomène nouveau. Mm-hmm. Donc, on doit adapter les textes avec la situation nouvelle. Mm-hmm. C'est aussi, par exemple, avec l'Internet, c'est des choses qui se sont développées avec, il y a 20 ans ou 30 ans, la contrefaçon dont on parle actuellement n'existait pas. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est vraiment nous, des fois, les contrefacteurs vont plus vite que les services publics en charge du médicament. Donc, et ça, ce n'est pas le propre du Burundi, c'est dans le monde entier. Mmh. Merci Serge. Merci. Je voudrais qu'on mette quand même certaines choses au point. Mmh. Toute personne qui travaille dans la pharmacie n'est pas un pharmacien. Mmh. Ça, j'insiste. Parce que les gens ont tendance à confondre ces personnes-là. Mmh. C'est comme tout ce qui portent les tabliers ne sont pas médecins. Voilà. Tout ce qui porte médecin, la tâche revient au ministère de la Santé. Absolument. Tout ce qui porte les blouses blanches ne sont pas des pharmaciens, ne sont pas des médecins. Mm-hmm. Et nulle part dans le monde, on ne peut trouver que dans la pharmacie, il n'y a que des pharmaciens. Mm-hmm. Ce n'est pas possible. Mm-hmm. Il y a des pharmaciens, il y a des autres agents, mm-hmm. mais qui sont sous la responsabilité morale et technique mm-hmm. du pharmacien. C'est le pharmacien qui assume la responsabilité mm-hmm. morale. Alors, c'était pour dire que, en ce qui concerne justement faire confiance ou pas confiance au pharmacien, mm-hmm. si c'est un pharmacien, je pourrais faire confiance parce qu'il est en cours de très lourdes sanctions s'il a deviné qu'il soit soupçonné d'avoir contrefait volontairement un médicament. Mais comment se fait-il donc qu'il y ait des établissements à qui on donne une accréditation d'ouvrir sans qu'on s'est rassuré qu'il s'agit d'un établissement qui va fonctionner en bonne et due forme? Vous avez vous-même dit ça. La réalité est qu'aujourd'hui, c'est ce que nous voyons, il y a des gens qui ouvrent probablement à l'ouverture. Ils ont des dossiers, mm-hmm. des pharmaciens. Mm-hmm. Après, on trouve qu'il n'y a personne. Mm-hmm. Et après aussi, on voit que la notion de distance entre les pharmacies, pour mm-hmm. moi qui n'aime pas, être très importante dans le monde entier. Ça peut dépendre aussi de la densité de la population. Mm-hmm. Il y a des pharmacies qui se trouvent dans un même bâtiment, mm-hmm. même en Europe. Mm-hmm. La distance, pour moi, importe peu. Mm-hmm. La qualité qui est garantie dans ces pharmacies, c'est ça qui est très important. Une autre chose, dites-nous quelle est la destination donc, de ces produits qui sont ici de la contrefaçon. La destination de ces justement la revente à la population, malheureusement. Contrefait là, un médicament, changer sa date, c'est pour faire croire qu'il est encore en bon état. Donc, visiblement et sûrement, c'est pour les revendre, malheureusement, aux dépens de la population, parce que ça joue sur la santé. Et puis, je voulais signaler aussi, dans le même sens que M. Emmanuel, le cas qu'on a parlé ici, il peut s'agir d'une contrefaçon des médicaments venus d'autres pays. Rien ne dit qu'elle soit sortie des pharmacies du Burundi. Mais ce n'est pas exclu aussi. Donc, il faut investiguer et puis trouver les vraies solutions. Parce que quand il dit qu'on est en train de travailler sur un manuel de procédure nouveau, moi je me pose la question. Et la loi était toujours là quand on a ouvert toutes ces pharmacies. Et aujourd'hui, on va faire un manuel qui oblige les gens à fermer les établissements commerciaux parce que à côté d'être des pharmacies, ce sont des sociétés. On va maintenant obliger à ces gens qui ont investi de l'argent à fermer, alors que ce sont eux-mêmes qui ont ouvert. Moi, je pense que ça sera... La responsabilité revient toujours au ministère. Dans le cadre d'expression des malades, dites-nous, d'après vous, quelle est la destination de ces produits de la contrefaçon et d'où proviennent ces produits? Nous n'avons pas des informations très poussées sur... d'où viennent les médicaments. C'est-à-dire que les malades avaient confiance au ministère de la Santé publique, de la lutte contre le sida. Mais si je reviens un peu sur ce que M. Emmanuel vient de dire, il dit qu'ils sont en train de préparer un nouveau manuel. Moi, dans le cadre des malades au Burundi, nous pensons, excusez du terme, que c'est une négligence du ministère de la Santé publique, de la lutte contre le sida, parce que nous avions reçu deux gens qui disaient qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire que la population avait peur que certaines pharmacies vendent des médicaments non autorisés et périmés. Après avoir entendu cela, nous avons mené des investigations. Nous avons trouvé que ce qu'il disait était une réalité. Nous avons adressé une lettre au ministre de la Santé publique de la lutte contre le sida, lui signala le cas et lui demanda aussi de faire une inspection chargé de punir les cas pareils. Dans le cas des malades au Burundi, nous avons attendu, mais sans succès. Ça a été un cas très grave lorsque nous avons entendu diffuser dans différentes radios que des médicaments viennent d'être attrapés à Kinama. Donc pour vous, vous n'avez pas été surpris? Nous n'avons pas été surpris. Nous avons l'information déjà. Je reviens aussi sur ce que M. Serge Aindo vient de dire. Il dit que la distance importe peu. Mais dans le cadre de Madame, nous disons que dit la loi. Est-ce que vous ne voyez pas que ça serait en train de dire que la loi burundaise n'est pas respectée? Il y a une loi qui réglemente l'ouverture des pharmacies. C'est-à-dire une pharmacie à une autre doit avoir une distance. Nous, dans le cadre de Madame, peut-être que ça dépend des proportions de la population qui nous, habite dans ces quartiers. Il n'y a pas de problème. Il a bien expliqué ça. Nous aussi n'avons pas de problème au niveau de la distance. Les problèmes résident sur la loi qui dit la loi. C'est-à-dire que les gens qui ouvrent des pharmacies ouvrent comme des boutiques. C'est-à-dire que vous trouvez même des pharmacies qui n'ont pas de médicaments que les malades sollicitent. C'est-à-dire que dans le cas que vous allez entendre certains agents de certaines pharmacies, quand par exemple un patient, un malade se présente dans une pharmacie et présente l'ordonnance médicale qui là où le médecin a prescrit, par exemple, des médicaments qui traitent la malaria, c'est-à-dire que ces gens qui travaillent là, ce sont eux qui vont commencer à proposer au malade de prendre tel médicament. C'est-à-dire que nous avons vu, ce sont des médicaments qui ne sont pas autorisés ici au Burundi. On donnera, à titre d'exemple, le médicament communément appelé Quartem, c'est des médicaments qui sont vendus un peu partout. Ce sont des gens qui travaillent dans ces pharmacies qui vont proposer au malade de prendre ce médicament. À vous entendre parler, vous sous-entendez quelque chose par rapport à l'ouverture de ces pharmacies. Qu'est-ce qui se passerait, d'après vous, dans l'ouverture de ces pharmacies, de ces centres de santé? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que la loi n'est pas respectée. Le cadre des malades au Burundi n'est pas rassuré. C'est-à-dire que, quelque part, il y a ce que je dirais comme une corruption. Pourquoi ces gens se permettent de ne pas respecter la loi? C'est-à-dire ici, je pointe le doigt sur l'inspection, c'est-à-dire que les gens qui sont chargés d'autoriser ces ouvertures. Nous allons revenir sur ce plateau après une courte pause. Mosaïque. Je rappelle nos invités, nous sommes avec Emmanuel Meignet-Cagné, directeur du département de la pharmacie, du médicament et du laboratoire de PEMEL. Nous sommes également avec M. Serge Harindogo, pharmacien, en même temps membre de l'Ordre national des pharmacies. Nous sommes également avec M. Sylvain Habanabakidze, il est représentant légal du cadre d'expression des malades au Burundi, Semabu. Nous revenons chez M. Emmanuel. M. Emmanuel, le ministère est pointé du doigt comme quoi il a été averti. Le ministère a été averti, mais ne fait rien par rapport aux produits qui seraient issus de la contrefaçon, aux produits qui entrent sur le territoire national sans autorisation. Qu'en dites-vous? Bon, je viens de l'apprendre avec vous ici qu'il y a des gens qui avaient averti le ministère qu'il y a des médicaments contrefaits qui étaient en circulation. Donc, je devrais me rassurer de cette information et nous a pas été communiqué à nous personnellement. Mais tout ce que je peux dire et affirmer, c'est que la contrefaçon... En fait, dans les responsabilités du ministère de la Santé publique, c'est de veiller aux médicaments qui sont dans le circuit légal des établissements qu'il a autorisés de les importer, de les stocker, de les distribuer. Donc, quand ça sort de ce circuit-là, ça devient un phénomène qui interpelle d'autres acteurs, d'autres ministères. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous saluons l'intervention de la police, parce que c'est la police qui nous a informé de cette malfaçon qui était en train de se passer à Kinama. Donc je crois que quand ça dépasse le cadre des structures qui ont été mises en place par le ministère de la Santé, nous interpellons les autres ministères, les autres services de l'État, la police, la documentation, l'administration locale, les gens qui sont à la frontière, parce que je crois que la contrefaçon, il y a aussi des médicaments qui viennent dans les pagnes de je ne sais pas où. Donc ça interpelle d'autres services de l'État. Mais il y a aussi le cadre d'expression des malades qui trouvent illogique le fait que des pharmacies soient éparpillées ici et là, alors qu'il y a une certaine réglementation en la matière qui empêche qu'il y ait des multitudes de pharmacies à une certaine distance. Et il pointe du doigt le ministère comme quoi il y aurait quelque chose en sous-entendu qui favoriserait cette prolifération de ces pharmacies et structures de santé. Qu'en dites-vous par rapport à ça? Mais là aussi, il faut placer la prolifération des pharmacies dans son contexte historique. Le décret qui réglemente l'exercice de la pharmacie au Burundi, qui date de 1980, effectivement spécifiait les distances qu'il fallait respecter pour ouvrir une pharmacie. Mais avec la crise qui s'en est suivie depuis les années 90, il y a une demande de la population elle-même qui était dispersée un peu partout dans le pays pour qu'elle soit rapprochée de certaines structures de santé. En fait, c'est dans ce contexte de la crise de 1990 à 2000 que sont nées les premières pharmacies rurales. Alors, de fil en aiguille, et c'est vrai que peut-être qu'on n'a pas pris l'ampleur de cette prolifération, mais les pharmacies sont venues comme ça, les pharmacies rurales. Donc, c'était pour répondre à un besoin réel à ce moment-là, parce qu'il y avait des gens qui étaient coupés des centres où on se trouvait toutes les infrastructures nécessaires. Je crois que c'est dans ce contexte que nous sommes en train de revoir certains textes, de fermer même certaines, parce que là aussi, encore des esprits malveillants se sont glissés dans le secteur avec des prétextes les uns les plus forts que d'autres pour dire qu'ils veulent aider la population et on n'a pas certainement prêté attention. Mais c'est pourquoi maintenant, quand on fait des descentes sur le terrain et qu'on constate que Enter a ouvert sans même, il y a des gens qui ont ouvert sans autorisation d'ouverture même de ces structures. Il y a des structures qui sont là qui n'ont pas de personnel. Alors que dans les dossiers qu'ils ont déposés au ministère, il y avait des déclarations de personnel compétent. Donc c'est dans les descentes d'inspection que l'on fait actuellement. Quand on constate, ça confirme. Donc vous ne niez pas qu'il y a eu une certaine négligence par rapport à l'ouverture, par rapport aux rigueurs qu'il fallait dans l'ouverture des pharmacies. Ce n'est pas une négligence en tant que terre. On a répondu à un besoin qui était dicté par le moment qu'on traverse à ce moment-là. Mais avec une inspection qui n'a pas suivi. Et où réside le problème? Le fait qu'il n'y ait pas des inspections. Dans les inspections, il y en a. Et c'est pourquoi, justement, on vous dit, je crois que début de cette année-ci, on en a fermé même jusqu'à une centaine de structures de santé. Donc, le ministre a fermé une centaine de structures de santé quand ils ont constaté ça. Donc, et puis, je crois que tout ça aussi, il faut le placer dans le contexte général de tout un ministère, comme le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, qui a plusieurs... plusieurs activités à suivre à la fois. Donc l'inspection, c'est une activité au milieu d'autres activités où on n'a peut-être pas fait le focus particulier sur ces écarts qui se trouvaient dans la réglementation. Mais c'est vrai que c'est quand il y a le feu, peut-être qu'on s'active pour voir où se trouve la bouche de l'eau pour éteindre l'incendie. Le président de la CEMABU, le représentant légal de la CEMABU disait tantôt que ce n'est pas, vous avez parlé de cas marginal, mais d'après lui, rien d'étonnant qu'il y ait des gens qui agissent dans la contrefaçon des médicaments. Est-ce que pour vous, pensez-vous qu'il y aurait d'autres circuits de médicaments qui ne sont pas connus aujourd'hui par le ministère? D'autres circuits? Non. Bah, le circuit illégal, ça... Ça existe bien pour les médicaments que pour les autres produits. Mais comme je l'ai dit, ça ne concerne pas seulement... Quand ça devient illégal, ça ne concerne plus uniquement le ministère de la Santé publique. C'est un phénomène. Maintenant, peut-être nous allons regarder de près pour comprendre son importance au niveau de la santé. Et on y affectera les moyens nécessaires pour le juguler, pour le combattre. Monsieur Halindogo, est-ce qu'il y a eu... Sentez-vous, dans l'Ordre national des pharmaciens, sentez-vous qu'il y a eu une certaine légèreté dans la gestion rigoureuse des produits pharmaceutiques au Burundi? Je ne pourrais pas juger les gens. Ce que je remarque seulement, c'est que la loi semble changer suivant quand le ministre change. Et il y en a qui ouvrent beaucoup de pharmacies. Il y en a, quand un autre vient, il les ferme. En tout cas, il a la volonté de les fermer. Et ça pose des problèmes. Comme je le disais tantôt, c'est un gros problème quand on veut fermer une société qui a été légalement ouverte. Ça pose des problèmes. Les gens ont investi. Si la personne a ouvert la pharmacie illégalement, c'est normal qu'on ferme sans autre forme de procès, comme on dit. Mais une pharmacie qui a été ouverte légalement, en suivant toutes les procédures, et qu'aujourd'hui, on vient la fermer, je pense que il y a de l'injustice quelque part. Et je disais au début que je me réjouis du ministère aujourd'hui qui a quand même commencé à recueillir les avis des pharmaciens, à les considérer comme partenaire à part entière de santé publique. Donc auparavant vous n'étiez pas considéré? Auparavant on était, selon le cas, considéré ou pas. C'est pour cela d'ailleurs que vous-même les journalistes, vous confondez les gens qui travaillent dans les pharmacies, vous les appelez des pharmaciens. Parce qu'il n'y a pas une information suffisante. Le rôle du pharmacien n'est pas bien joué, n'est pas fait respecter. Il faut qu'on fasse respecter le rôle du pharmacien. Du pharmacien. Et ne pas considérer le médicament comme un produit normal. Et je suis, ils vont m'excuser, mes amis ici, je ne suis pas d'accord qu'on puisse dire que c'est un fait marginal. Quand ça concerne la santé de la population, ça ne peut pas être marginal. Quand il y a un accident, qu'il y a deux morts, c'est très grave. C'est trop grave même. Alors quand on déverse des cartons de médicaments périmés dans la population, même s'il y a trois morts ou cinq morts, c'est trop trop grave. Donc je pense que ça ne peut pas être considéré comme marginal. C'est marginal si on compte le nombre de cas saisis. Mais si on considère les conséquences que ça peut produire, ce n'est pas marginal. Parce que la personne qui la victime ne reviendra jamais. Il peut même mourir ou alors subir des dégâts non considérables, je dirais. Monsieur Sylvain, aujourd'hui, par rapport à cette situation, est-ce qu'il s'agit bien d'un cas marginal ou bien vous avez d'autres exemples qui prouvent que la contrefaçon de médicaments est une réalité partout au Burundi? Dans le cadre d'expression des malades au Burundi, nous voyons que la contrefaçon des médicaments est une réalité au Burundi. C'est-à-dire que les exemples qu'on peut donner, c'est un exemple très récent. Vous avez entendu, vous l'avez diffusé vous-même, qu'il y a des médicaments qui ont été saisis à Kinam. En Kirundi, on dit yimbwa irinze toba kubuhanza ibami inzu nyinshi. C'est-à-dire que le cas qui a été saisi à Kinam, c'est un exemple qu'on peut se servir pour prouver ou bien dire très très bien que la contrefaçon des médicaments est une réalité au Burundi. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce que vous demandez, vous, dans le cadre d'expression des malades? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les pharmacies ne soient pas à l'origine de la dégradation de la santé de la population? Même si M. Emmanuel a refusé du terme négligence, moi, je vais insister sur ce cas. Il ne faut pas qu'il y ait de la négligence. Il ne faut pas qu'il y ait de la négligence. Il faut veiller et suivre toute information donnée par n'importe qui que ce soit. Même si ce n'est pas le CIMAVU qui va déclencher le cas, même si ça sera un paysan, quelqu'un vraiment qui n'est pas connu dans son pays, bien qui n'a pas une société ou une association à travers laquelle il peut donner des informations, il faut que le ministère de tutelle et plus particulièrement et l'équipe de l'inspection, il ne faut pas négliger si des informations livrées par n'importe qui que ce soit. Donc vous trouvez qu'il y a eu négligence au sein du ministère? Vraiment. Mais il y a négligence. Je vous ai donné un exemple. Nous avons vu le cas, nous avons adressé une correspondance à la ministre de la Santé, c'était le 18 janvier 2017, relevant les cas que le CEMABU a pu découvrir, mais jusqu'à présent, on n'a pas donné une réponse. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Monsieur Serge, aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait être fait justement pour que le lieu, pour que les pharmacies ne soient pas à l'origine de la dégradation de la santé de la population? Comme on a parlé uniquement de la péremption des médicaments périmés, il faudrait que le ministère aide ces pharmacies à détruire rapidement ces médicaments. Il faut qu'il y ait de la prévention, chaque fois de la prévention, et non pas toujours immédiatement penser à la sanction. Il faut qu'il y ait une prévention. Inviter les pharmacies, on vient de le faire, je viens d'avoir la lettre, inviter les pharmacies à relever mensuellement les médicaments périmés et faciliter les conditions de destruction, mais pas les compliquer. Parce que quand vous les compliquez... Les compliquer pourquoi? Comment? Comment? Oui. Supposons par exemple, vous êtes un pharmacien isolé, parce qu'il n'y a pas d'association, même s'il y a de l'ordre de pharmaciens, pour détruire les médicaments. On ne doit pas appeler tout le monde. Chacun détruit ses médicaments. Alors imaginez-vous, si vous devez contacter les services du ministère de la Santé publique, mm-hmm. contacter la police, mm-hmm. contacter les services de Robert, mm-hmm. ça devient compliqué. Mm-hmm. Alors, le ministère, c'est un grand ministère. Mm-hmm. Entre administrations, il peut y avoir des échanges. Mm-hmm. On crée une équipe, mm-hmm. même permanente, de distribution de ces médicaments. Mm-hmm. Et chaque mois, on rassemble ces médicaments mm-hmm. pour aller les détruire. Mm-hmm. Je pense que ça pourrait aider plus ou moins, dis-moi, ça pourrait réduire les médicaments en provenance des pharmacies locales. Mm-hmm. Et puis alors, penser aussi à, comme il a dit, mm-hmm. à s'associer avec les autres services mm-hmm. pour traquer tous ces malfaiteurs partout. Mais au moins, s'assurer qu'au niveau local, les pharmacies n'éprouvent pas de difficultés à détruire les médicaments. Et puis aussi, il y a autre chose. Mm-hmm. Il y a énormément de médicaments dans nos ménages mm-hmm. qui sont périmés dans les ménages. Mm-hmm. On prend un comprimé parce qu'on ne respecte pas la posologie, la compliance, ça veut dire le respect de ce qu'on vous a prescrit. Mm-hmm. Un comprimé, et puis tu guéris spontanément. Mm-hmm. Et puis le reste est là. Il périme dans les ménages. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait avec? Même les services qui prennent les immondices mm-hmm. ne vont pas accepter des bouteilles de médicaments périmés. Mm-hmm. Alors, il faudrait que tout ça soit essayer d'organiser tout cela mm-hmm. pour que ça quitte les ménages. Mm-hmm. Et ça fait mal à l'environnement aussi. Mm-hmm. Donc, le ministère de la Santé publique doit faciliter les conditions de destruction de ces médicaments. Mm-hmm. Et puis, alors, comme je l'ai dit, ne pas tout le temps penser à sanctionner, penser à prévenir. Mm-hmm. Surtout quand on sait que les gens ont ouvert sous leur autorisation. Mm-hmm. Une petite question. Le ministère qui est averti, mais qui ne fait rien par rapport à une information donnée, qu'est-ce que ça vous dit chez vous? Bon, comme Emmanuel l'a dit, je viens de l'apprendre ici. Mm-hmm. Je ne pense pas que cela puisse être possible. Et si, bon, si c'est possible, mm-hmm. soit ça a échappé aux services concernés, mm-hmm. et puis ça peut arriver. Est-ce qu'en matière de santé, on peut dire qu'une information qui est donnée nous a échappé? Non, mais peut-être qu'ils ont fait, qu'il y a des actions qui ont mm-hmm. été menées, mm-hmm. peut-être qu'ils n'ont pas été rapportées à l'association. Mm-hmm. Peut-être. Mm-hmm. Je prête bonne foi. Mais si c'était de mauvaise foi négligée, mm-hmm. alors ça devient grave. Mm-hmm. Monsieur Emmanuel, le ministère a été toujours pointé du doigt par rapport à l'inspection, par rapport à la gestion, par rapport aux procédures, à la rudeur des procédures, par rapport à une probable corruption qui serait sous-entendue dans l'ouverture des structures pharmaceutiques. Qu'est-ce que le ministère va faire aujourd'hui pour justement essayer de faire en sorte que les pharmacies ne soient pas l'origine de la dégradation de la santé de la population? Merci. En fait, je rappelle encore une fois que pour nous, l'instruction de détruire les médicaments périmés existait. Mm-hmm. L'instruction, elle existait bien, mais je ne veux pas entrer dans la logique de se rejeter les responsabilités, les torts. Mm-hmm. Mais il s'est fait que, par facilité, les pharmacies, surtout privées, mm-hmm. préféraient déclarer les périmés à la fin de l'année quand ils faisaient les inventaires. Mm-hmm. Et c'est là où ils sollicitaient l'intervention du ministère. Et c'est là où on était informé mm-hmm. de l'existence de ces périmés, mm-hmm. effectivement, qu'on mettait en place la procédure de les détruire. Donc, entre autres, dira, le long de cette période, il se pourrait que des malintentionnés puissent verser ces produits sur le marché. Non. Mm-hmm. Non. Mais en fait, ce qui arrivait, mais pour les districts, par exemple, du secteur public, mm-hmm. là, ils nous téléphonent régulièrement, ils nous informent, ils nous écrivent, mm-hmm. et nous, on met en place directement l'équipe pour aller détruire. Mm-hmm. Moi, j'ai tous les jours des correspondances mm-hmm. venant des différents districts. Mm-hmm. Mais parce que peut-être la comptabilité des districts est tout à fait différente de celle des privés. Mmh. Et je crois que dans la réunion que nous avons tenue hier, on a tenu à le rappeler que maintenant, ils vont nous faire la liste qualitative et quantitative des médicaments périmés de façon mensuelle et on les détruira de façon trimestrielle pour éviter que tout s'accumule à la fin de l'année. Donc ça, c'est par exemple une mesure que nous avons dû prendre parce qu'on s'est rendu compte et ça, c'était vraiment... Mais je l'ai dit à m'excuser au départ, c'est pas pour les accuser, je crois que c'était par conformité. En une fois, ils faisaient l'inventaire et à la fois, ils dégageaient les périmets et ils nous demandaient de procéder à la destruction. Par rapport à la lourdeur des procédures, en fait, encore une fois, je crois que les produits périmés, c'est comme... encore un autre vocable d'actualité de ce siècle, c'est les polluants. En fait, normalement, c'est le pollueur qui doit payer sa pollution. C'est la tendance actuelle. Donc, les produits pharmaceutiques qui résultent dans un exercice d'un pharmacien doivent être sous la responsabilité. En fait, je crois que ça avait été un modus vivendi qui a fonctionné. Ça relevait des pharmacies. Donc, qui venait nous interpeller et en fait qui procédait elle-même à cette démarche de rechercher l'OBR, la police et l'administration locale. Ça se faisait comme ça, mais avec les réunions que nous avons fait hier, il y aura un partage de responsabilités. Quoique le ministère va essayer de contacter les autres ministères impliqués, parce que le grand problème aussi que nous allons avoir, c'est de trouver le site de destruction qui permet de sauvegarder l'environnement. Et là, mais là aussi, au niveau du ministère de la Santé publique, on avait déjà écrit au ministère de l'Environnement pour lui demander un site où on pourra détruire ces médicaments. Alors, en dernier... Par rapport à un point très important qui vient de se lever, ce sont les médicaments qui se trouvent dans les ménages. Effectivement, en fait, quand ça s'approche du niveau personnel individuel, on a tendance à le négliger. Mais pourtant, si on faisait le tour des ménages pour demander les boîtes qu'il y a, on se rendra compte que les quantités sont colossales. Donc, si bien que aussi... Le ministère n'est pas resté sourd de cette réunion d'échange. Il y a un communiqué qui va passer actuellement, qui va passer à la radio, dans les églises et dans des lieux publics, pour inviter les ménages à rapporter les médicaments périmés et non utilisés, pour les ramener aux pharmacies où ils ont acheté ça, ou alors aux structures de santé publique la plus proche. Je crois que nous avons fait le tour par rapport à la question, et je crois que nous sommes suffisamment sensibilisés et on prendra en compte tous les conseils que nous avons reçus de différents acteurs. Merci beaucoup. Notre émission touche presque vers sa fin. Brièvement, dans une petite minute, monsieur Sylvain, qu'est-ce qu'il faut, quel est l'engagement que vous allez prendre auprès du cadre d'expression des malades? Quel est votre engagement pour faire en sorte que le millier médicamentaire soit un millier sain? Dans le cadre d'expression des malades au Burundi, l'engagement... Dans une minute. L'engagement est toujours là. Nous allons continuer à plaider et signaler les cas qui peuvent... et nuisible à la santé de la population. Merci beaucoup. Merci, Habindogo. Vous, cher ordre des pharmaciens, cher ordre national des pharmaciens, qui est un organe consultatif, qu'est-ce que vous vous engagez à faire pour que le milieu pharmaceutique, le milieu médicamentaire soit un milieu sain, un milieu qui rassure la population? Les membres de l'ordre des pharmaciens du Burundi sont des pharmaciens. Aucun pharmacien ne peut changer la date d'opération pour revendre le produit. J'arrête là. Qu'est-ce que vous vous engagez à faire? Au niveau des engagements, il n'y a pas plus que ça. Nous, on est suffisamment informés, on connaît tout ce qui est médicament, de manière qu'on ne peut pas se hasarder à changer la date d'opération. Et nous sommes, comme engagement, nous sommes un organe consultatif du ministère de la Santé publique, nous sommes prêts à participer dans toutes les commissions, les réunions d'échange pour améliorer, pour essayer de prévenir ce fléau. Monsieur Emmanuel, on vous a beaucoup entendu dans cette émission. Qu'est-ce que vous vous engagez à faire au sein du département au sein du département de la pharmacie, des médicaments et de laboratoires? Qu'est-ce que vous vous engagez à faire concrètement pour que le milieu pharmaceutique soit un milieu de confiance, soit un milieu fiable? Bon, nous, on est déjà engagé dans beaucoup de choses. Et on va uniquement ici, pour le cas qui nous concerne, nous limiter aux produits périmés. Nous allons continuer à stimuler tous les détenteurs des médicaments, quand ils sont périmés, de les ramener aux structures où ils ont acheté ça. Nous allons continuer à pousser les pharmacies de déclarer régulièrement les médicaments périmés, et on organisera en concertation avec les ministères concernés, l'environnement, la police, l'OBER et l'administration locale, la destruction de ces médicaments. Et comme le cadre qui nous a été offert aujourd'hui, nous allons continuer la sensibilisation auprès du grand public pour leur dire que les médicaments périmés sont dangereux et sont à détruire, mais aussi interpeller tous les intervenants qui puissent nous aider, puisque comme je vous l'ai dit, le ministère de la Santé publique ne se focalise que sur des établissements qu'il a autorisés. Quand ça sort des établissements qu'il a autorisés, ça relève des autres ministères, donc on va essayer de travailler en concertation. Merci. Merci, chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève notre émission, votre émission Mosaïque d'aujourd'hui. Nous disons un grand merci à nos invités, Monsieur Emmanuel Ibamenye Kanye, directeur du département de la pharmacie, du médicament et du laboratoire de PEMEL au ministère de la Santé. Merci beaucoup. Bienvenue encore une fois sur ce plateau. Merci beaucoup. Je reviendrai avec plaisir si vous m'invitez. Monsieur Serge Harindogo, pharmacien en même temps, membre de l'Ordre national des pharmaciens, merci pour votre contribution dans notre émission Mosaïque. Merci beaucoup. Et j'aimerais revenir parler d'autres formes de contrefaçon, parce qu'aujourd'hui, on a parlé de changer la date. Il y a beaucoup d'autres formes de contrefaire le médicament. Merci encore une fois. Merci. Merci, monsieur Sylvain Habanabakidze. Vous êtes le représentant légal du cadre d'expression des malades du Burundi, Semabou. Merci encore une fois et bienvenue dans notre émission Mosaïque. C'est moi qui vous remercie, mais j'aimerais faire un clin d'œil au ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, qu'il y a des pharmacies qui travaillent comme des centres de santé. Peut-être ça fera objet d'une autre émission. Merci à Aridan Daikeza qui a réalisé cette émission. Merci également à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. Merci à tous ceux qui étaient à l'écoute de cette émission. Charles Makoto, j'étais à la présentation. À la prochaine.